Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans ce 818e numéro d'Electric Shock. Ravi de vous retrouver une fois de plus. Et en même temps, c'est l'anniversaire d'Electric Shock. Et oui, puisque ça fait 19 ans qu'Electric Shock sévit sur les ondes. C'était exactement le 8 novembre 2005 pour la première fois que Electric Shock éruptait les ondes et déversait du métal. Enfin bon, ça fait plus longtemps que ça qu'il y a du métal sur Radio Arc-en-Ciel, parce que Radio Arc-en-Ciel va bientôt sur ses 40 ans d'existence. Et il y a du métal depuis 1989, bien sûr, puisque n'oublions pas qu'avant Electric Shock, pendant 16 ans, il y a eu Metal Maniac avec le regretté Fred Malon. D'ailleurs, ce soir, j'ai une petite pensée pour lui, bien sûr, évidemment, parce que à chaque fois, il était toujours le bienvenu pour l'émission anniversaire. C'était toujours un plaisir de le recevoir. Donc, quelque part, ce soir, son aura est là, ce soir, dans le studio, bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, on y fera un hommage en cours d'émission. Sinon, ce soir, qu'est-ce qui vous attend, comme d'habitude? Eh bien, des nouveautés, quelques-unes, au nombre de 4. Normalement, on devrait découvrir, faire une petite interview par téléphone, si tout va bien, bien sûr. Et puis, je vais vous glisser aussi quelques mots sur les excellents concerts que j'ai eu l'occasion de voir cette semaine. C'était Blackstone Cherry mercredi dernier et FFF samedi soir. Les deux ont lieu dans une enveloppe ambiance survoltée. Mais enfin, ça, je vous redirai ça tout à l'heure. En attendant, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite, parce qu'il est déjà 19h02. Parce que je parle, vous avez peut-être envie d'écouter un petit peu de musique. Eh ben, on va revenir sur une des grosses nouveautés de ces dernières semaines. C'est le dernier album des punk rockers de The Offspring, Supercharged, qui nous montre qu'à 50 balais, on peut toujours avoir un esprit adolescent, comme ce Truth in Fiction va vous le faire savoir. Smoke some sin. boys don't feel coming gay. What if I had none? They're all the same, but if they can. What if I tell ya? Oh, come on and get him. What if I had a game of stay? Oh, come on, you heard it. They are some, but no one's still. And I want to tell them now they're all mine from this day. Go have fun, I will let God for free. This fight has failed. This voice I see. Boys on Sales, extrait du premier album de Sex Shop Mushroom, God Doesn't Exist. Et juste avant, donc, le premier morceau de la soirée, The Offspring, qu'on ne présente plus avec leur dernier album Supercharge, c'était Truth in Fiction. Et bien maintenant, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec ce qui a été pour moi une grosse surprise, un groupe dont je n'attendais plus rien depuis très très longtemps, puisque si je vous dis MC5, vous allez me dire, ça fait partie de la légende du rock, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui sort. Enfin si, il sort toujours des concerts inédits, des démos plus ou moins oubliées, des choses des fois de qualité plus ou moins intéressante et ceci, cela. Et quand j'ai vu qu'il y avait un album de MC5 intitulé Heavy Lifting qui sortait, je pensais, quand j'ai regardé un peu plus en détail, quand j'ai vu les titres, je me dis tiens, des morceaux inédits qui existent depuis la fin des années 60, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et en fin de compte, en grattant, pas du tout, puisque je me suis aperçu que MC5 était à nouveau recréé, bien que maintenant il n'y ait plus personne du groupe qui soit encore vivant, puisque les deux derniers survivants, qui étaient Wayne Kramer à la guitare et Dennis Thompson, le batteur, sont décédés cette année, en février et au mois de mai. Bon, cet album a été enregistré avant, bien sûr. Et en fait, d'après ce que, si vous avez lu Rockhard le mois dernier et l'interview de Bob Ezrin qui a produit l'album, en fait, il était question que Wayne Kramer refasse encore un album solo. Et quelque part, en discutant avec Bob Ezrin, ils se sont dit de reformer plutôt le MC5, du moins dans l'esprit, car actuellement, la période actuelle rappelait un peu la période troublée de la fin des années 60, où il fallait quand même avoir des grosses boloches, comme on dit, pour taper dans l'establishment et dire aux gens un peu « secouez-vous », et je crois que cet album a été fait vraiment dans cet esprit. Alors musicalement, où est-ce qu'on en est, bien qu'il n'y ait plus grand monde d'origine du MC5, on dit que c'est un petit peu la continuité de High Time, l'album de 71. Et dans le moderne, c'est un peu ça. C'est-à-dire un mélange de rock, de punk, de soul aussi. Oui, n'oublions pas que ils étaient originaires de Détroit, donc la Motown a bien imprégné aussi la musique du MC5. Et là, c'est vraiment flagrant sur certains morceaux. Enfin, toujours est-il que ça reste très rock. Et puis, il y a beaucoup d'invités qui ont répondu présents pour cet album. On y trouve, par exemple, William Duval d'Alice in Chains, Slash, Dennis Thompson aussi, bien qu'il était malade à ce moment-là, mais qui a voulu participer. On y trouve aussi Vernon Ray de Living Color, ainsi que Tom Morello, qui est d'ailleurs sur le morceau qui donne son titre à l'album, donc Heavy Lifting. Donc, il existe aussi en édition limitée double CD, avec un concert de 2018 où c'était un tribute tour quelque part avec Kick Out The Jam. Enfin, ça, on en repassera dans les semaines qui suivent. En attendant, MC5 New Look avec Heavy Lifting, donc extrait donc de l'album du même nom. Oh my God. faisait quelques semaines qu'on n'avait pas diffusé de petits extraits du dernier album de Last Temptation, donc extrait de Heartstarter, leur dernier album sorti mi-septembre, c'était Beauty in Disguise, et la première nouveauté de la soirée, c'était le tout nouveau MC5, le MC5 posthume, on va dire, Heavy Lifting, d'ailleurs, c'est le titre de l'album. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ben aujourd'hui c'est le 19e anniversaire d'Electric Shock. Donc si vous avez envie de souhaiter un joyeux anniversaire à votre animateur préféré, ben surtout n'hésitez pas, prenez votre petit téléphone et passez-moi un petit coup de fil. Il y aura des petits cadeaux au bout. Je vous l'avais dit en début d'émission que cette semaine avait été chargée en concert puisque j'avais été voir mercredi dernier Blackstone Cherry. Alors, c'était à l'Olympia à Paris. C'était la première fois d'ailleurs que les petits gars du Kentucky venaient dans cette salle de mythique parisienne. C'était un concert un peu particulier puisque c'était un concert un peu en co-tête d'affiche avec le groupe, le rock montant de Aaron Jones, et on a eu Storm Orchestra en ouverture. Alors Storm Orchestra, que dire, que c'était, oui, énergique, mais enfin, bon, pour ma part, ça ne m'a pas transcendé, je dois avouer que je n'ai pas retenu grand chose. Quant à Aaron Jones, dont on dit quelque part que c'est le nouveau Lenny Kravitz, je dois avouer que j'ai pas accroché tant que ça à la musique. Je reconnais pourtant que ce mélange de rock, de grunge, un peu hip-hop, bluesy par moment, est super bien joué. Les gars qui l'accompagnent sont vraiment au top, ça y a pas à dire. Lui-même est un sacré gratteux et a beaucoup de charisme et chante vraiment bien, mais je dois avouer que je ne suis pas du tout rentré dans sa musique. Par contre, j'ai beaucoup apprécié ces deux reprises d'Hendrix qui étaient Hey Joe et Fire. Là, je dois avouer que bon, le gars, il a un sous le pied. Quant au petit gars du Kentucky, on n'est jamais déçu par une de leurs prestations. C'est toujours puissant, énergique, joyeux, on ressort de là avec la banane. Comme je vous l'ai dit, la déception, comme c'était deux concerts en co-tête d'affiche, du coup, un temps de jeu un peu limité. Voilà, c'était peut-être le seul regret que je peux avoir par rapport à Blackstone Cherry. Et tiens, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance du concert donc de mercredi soir à l'Olympia. Et on va revenir à leur CD-DVD qui était sorti il y a 2 ans, Live from the Royal Albert Hall, Youth Hall. Et on va se faire les deux petits classiques. Tout d'abord, White Trash, Millionnaire. Et donc, je vous rappelle, si vous avez envie de faire un petit coucou à votre animateur préféré, 02 38 43 48 00. They're calling out my name. I wanna be a riot trash millionaire. so much. Il n'y a pas de quoi, donc Lonely Train et White Trash Millionaire, donc deux classiques de Blackstone Cherry. Donc l'extrait donc du Live from Royal Albert Hall, sorti il y a de ça maintenant 2 ans. Et ouais, moi ça m'a rappelé le concert de mercredi soir à l'Olympia, vraiment une super ambiance. Ça c'est vraiment un groupe à voir et à revoir, on s'en lasse pas. Tiens, à propos de concert, si vous ne savez pas quoi faire samedi soir, et puis même si vous avez quelque chose, emmenez vos amis à la soirée Mavrika. Vous connaissez, si vous êtes de fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr que vous connaissez l'excellente émission Mavrika de notre collègue Albino tous les vendredis soirs, où il reçoit des artistes de tous les genres musicaux. Et aussi l'extension, le Mavrika Live, dont c'est la 13e édition, donc qui aura lieu donc samedi soir à l'espace Bérère, comme d'habitude, à partir de 18h30, avec à l'affiche ce soir, ça samedi, donc il y aura la bande à Pierrot, FMR, Sika et Prisma. Quand même, excusez du peu. Et ben justement, on va se faire un petit extrait du premier album de Sika qui était sorti il y a de ça maintenant 2 ans. Sika d'ailleurs habitué de Electric Shock et de Mavrika aussi, et normalement qui doit être en plein travail sur son 2e album. Ça, je pense que vous allez en avoir quelques extraits lors de leur concert. En attendant, extrait donc de leur premier album It's Time, sorti en 2023. Donc Sika. Once again, don't want to come. Haroun et son album Reboot, sorti donc fin octobre, et qu'on vous a présenté donc la semaine dernière avec le morceau donc Lost in the Light. Juste avant Haroun, donc c'était Sika avec un extrait de son album It's Time, le premier donc sorti en 2023, et le morceau Venom qu'on a eu ce soir, et Sika donc qui sera en concert samedi soir lors du cadre du 13e édition du Maverick Alive avec la bande à Pierrot, FMR et Prisma. On va se faire encore une nouveauté. D'ailleurs, on va en profiter pour saluer l'ami Christophe, auditeur bien connu, qui, une fois de plus, a rendu hommage à son animateur préféré. Donc, merci à toi. Donc, tu auras un petit cadeau. Donc, si vous avez envie de faire comme lui, 02 38 43 48 00, puisque c'est quand même les 19 ans, quand même, d'Electric Shock. Et je vais vous emmener non pas, pas très loin, en région parisienne, mais par contre, dépaysement assuré, puisque on se croirait vraiment aux Indes avec le groupe Murta. Et son premier album qui s'appelle Tamas. Alors Murta, dans son originalité, non seulement les titres sont en langue hindoue ou en sanskrit, enfin là-dessus je ne me demandais pas pourquoi à part un qui est en anglais, et surtout, eh bien, il y a du sitar, du tabla, donc vraiment quelque chose d'original. Sinon musicalement, on est quand même pas loin de Gojira par moment, par Pink Floyd d'autres moments. Bon, il y a un chant assez torturé, des blasts, des hurlements. Enfin, c'est assez moderne, c'est comme très original, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, j'espère que je prononce à peu près bien, parce que bon, c'est ce qui est écrit sur le CD, c'est que le morceau s'appelle Jivan Chakra. Alors, est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne sais pas. Si certains parmi vous ont des connaissances en langue hindoue, je serais ravi d'augmenter un petit peu ma culture. En attendant, on va découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock, l'émission métal du mardi soir entre 19h et 21h. Et Electric Shock donc qui célèbre ses 19 ans d'antenne ce soir. Donc si vous voulez rafler un petit cadeau, 02 38 43 48 00. Là, à l'instant, les Parisiens The Dawn Resort avec leur album In Sublime Prison, c'était Point Nemo. Venu aussi de la région parisienne, pourtant on l'aurait pas dit vu leur patronyme et vu leurs paroles. Le groupe Murta et le morceau Jivan Chakra, extrait donc de leur album Tamas, et c'était également la deuxième nouveauté de la soirée. Et bien maintenant, je vais vous emmener loin, très loin d'ici. Au-delà de l'Atlantique, on va aller faire un petit tour en Équateur, découvrir ou redécouvrir le groupe Midnight Race, un jeune groupe de par là qui a sorti son premier EP qui s'intitule Heavy Metal Holes. Alors c'est ce qu'on appelle du traditionnel heavy metal. C'est vrai que quand on écoute ça, on se croit revenu à l'époque 85, 86, quand des groupes comme Exciter ou autres mélangent de heavy et pas encore franchement trash, ce qu'on appelle le speed metal. Et en ce moment, il y a tout un revival de groupes comme ça, assez intéressant. Et Midnight Race, bah, ils font partie de cela. Et c'est une découverte, c'est signé sur un label français qui s'appelle Steel Shark. Et par contre, si vous voulez avoir le CD ou le vinyle, faut se dépêcher car c'est des éditions qui sont très, très limitées. Allez, on s'envoie maintenant Behold the Firmament. l'ignorance, c'est la force. La guerre, c'est la paix. We'll be right back. 1984, ça c'était So, avec la réédition de son album De Profundis, sorti au début des années 90, venu donc de l'underground de la scène métal française et compagnon d'écurie de Midnight Race que vous avez eu juste auparavant puisque tous les deux sont signés sur le label Steel Shark. C'était donc Behold the Firmament, extrait de l'album Heavy Metal Halls, et ça c'est un groupe qui nous vient donc de l'Équateur. Et bien là, maintenant, on va découvrir un groupe plus proche de chez nous, qui s'appelle Kaedéric. Et là, j'ai la chance donc d'avoir le guitariste-chanteur en ligne. Bonjour Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour, ben ravi donc de t'avoir en ligne pour découvrir ton groupe tout nouveau, tout chaud. Alors, première question, ça, tout nouveau, tout chaud. Que signifie Kaedéric? Alors, Kaedéric, tout simple, au départ, c'est un projet solo, enfin, c'est-à-dire que c'est moi, en fait, qui avait cette envie. Kaedéric, ça signifie, en fait, c'est une autre manière de dire Cédric, en celte ou en gaélique. Et en fait, comme c'était assez centré sur moi, sur ma façon de penser, ma façon d'être et tout, et que au départ, je pensais faire plutôt un projet solo, je trouvais que ça sonnait pas mal, donc j'avais pris Kaedéric, maintenant ça s'est transformé en groupe, mais j'ai gardé le nom quand même, et puis les collègues sont ok avec ça, donc voilà. Ok, donc dans la continuité, donc c'était un projet solo, raconte-nous un petit peu donc la genèse de tout ça. La genèse de tout ça, c'est qu'en fait, au départ, moi j'ai fait beaucoup de musique depuis ces années, depuis la fin des années 90, avec un groupe de thrash metal qui s'appelait Alost, qui avait fait les découvertes du printemps de Bourges, ce genre de choses. Donc j'ai toujours adoré être dans le métal, je suis fils du métal, et j'ai toujours eu ça en moi. Et après, plusieurs années, j'ai eu à nouveau envie en fait de créer un réel projet. D'envoyer, d'aller sur scène, de proposer de la musique, j'ai eu envie. Voilà, j'adorais toujours bien sûr en écouter, mais je voulais encore en faire, j'avais pas fini avec ça. Et les chansons ont commencé à naître, à arriver, et puis par la suite, j'ai rencontré les différentes personnes avec lesquelles qui est né, c'est-à-dire David Couturier au synthétiseur. Qui a un soundmaker, qui a plein de capacités, qui joue des guitares, de la basse, tout ça et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et en fait, je l'ai connu lui. J'ai connu après Mathieu Aurin, pareil, qui joue de la guitare dans Kaedéric, mais qui est aussi bassiste, puis producteur, enfin, voilà, qui a plein d'autres casquettes. Et pour finir, Romain Bercé, qui est à la batterie et qui s'occupe aussi de la prom, du mix, en fait, du EP, donc qui est Come From The Inside, qui sort donc le 15 novembre. Donc Romain, c'est un gars qui vient pas du métal en fait à la base, même si il joue pour le groupe Clone. Je pense que vous connaissez Clone, un métal progressif français. Il vient de sortir un album d'ailleurs excellent, qui s'appelle Being Seen. Et en fait, Romain joue de la batterie en fait pour la version acoustique de Clone, et c'est lui aussi qui a fait le mixage de leur dernier album qui est en train de sortir. Donc moi j'ai profité de cette expertise pour pouvoir proposer ce que j'ai à faire, et j'ai confronté ce que j'avais comme matériel à Romain principalement en fait à la base, et lui en fait a réussi à extraire ce que j'avais en tête pour en faire la musique qu'on peut entendre maintenant. Tout seul j'aurais jamais fait ça. Ok. Et on peut savoir quelles sont les influences du groupe? Comment on pourrait... Alors les influences du groupe, en fait, c'est un peu compliqué parce que si t'achetais une oreille dessus, en fait, c'est très difficile en fait de pouvoir se dire tiens ça c'est ça. Moi j'ai plein de gens en fait qui n'écoutent pas forcément du rock, pas forcément du métal autour de moi, mais qui arrivent en fait à écouter cette musique-là et qui arrivent en fait à me dire ah ben tiens ça me fait penser à un tel, ça me fait penser à autre chose, et tout le monde en fait colle un petit peu ses références sur notre musique. Je pense que c'est cool parce que on a tous un peu plus de 40 ans, tu vois, on a juste une quarantaine d'années, et c'est vrai que les influences, on en a un paquet, tu vois. Bien sûr. Oui. Ça pourrait être du métal, bien sûr, parce que moi j'écoute toujours tout ce qui est Pussyfair, tout ce qui est Tool, tout ce qui est Sepultura, tout ce qui est Pantera, tout ce qui est Machine Head, mais j'écoute aussi tout ce qui est Nick Cave, j'écoute aussi tout ce qui est Radiohead, ce genre de choses. Et en fait, on a énormément en fait d'influence. Et par contre, si je peux me permettre, on n'a pas fait les musiques, en fait, les chansons, en se disant, bah, tiens, on va faire tel style ou tel style. Ah ben tiens, on va faire ça ou ça. Non, en fait, elles sont arrivées comme elles sont arrivées, en fait, avec l'énergie métal. Mais voilà. Et moi, comme j'ai reçu que la version promo du CD, de quoi parlent les textes ? Les textes, ben, ça parle, en fait, au départ, ben, forcément, ça parle un peu d'un point de vue introspectif. À la base, comme je disais tout à l'heure, ça parlait un peu de moi. Parce que j'avais un peu besoin de ça. J'ai déclaré une maladie auto-immune qui était un peu compliquée et tout. Donc, en fait, j'avais besoin de régler pas mal de choses par rapport à des nœuds et par rapport à tout ce qui a pu se passer. Enfin, comme toute la condition humaine, en fait. Et c'est tout ce qu'on a tous en commun. Parce qu'en fait, quand je parle un peu de moi, je parle aussi un peu de vous, quoi, et un peu de toi, un peu de tout le monde. Parce qu'on a des préoccupations communes, on a des émotions communes. Mais ça parle aussi d'autres choses, parce que on voit aussi un peu le côté schizophrénique qu'il peut y avoir sur un être humain, comme aussi au niveau de la société. Dans un morceau comme The Dark Side of My Mind, par exemple, on voit en fait ces alternances de douceur et de violence qu'on peut trouver un peu partout. Dans le côté Sisyphean Dance, le troisième morceau de l'EP, on met aussi une quête de sens, en fait. Bien sûr, on s'apprend le mythe de Sisyphe, mais on essaie de mettre une quête de sens dans l'absurdité, en fait, environnante. Et ça, en fait, c'est pas que moi qui vis ça, c'est pas que toi qui vis ça, c'est pas que nous. Et c'est en fait globalement cette petite planète, cette petite société au milieu de tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Donc voilà, c'est des textes qui parlent du petit, mais qui parlent du très grand aussi. Ouais, donc là, ce EP là qui s'appelle It Comes From The Inside, c'est juste un EP, mais j'imagine que tu as d'autres titres que vous jouez sur scène. Je pense que vous avez de quoi faire un set certainement un peu plus long que 4 titres. Et comment s'est fait la sélection ? Ok. Comment s'est fait la sélection ? Ben, en fait, c'était les morceaux qui... c'est Romain, en fait, Romain Bercé, qui a fait la sélection. Je lui ai proposé plusieurs titres. Et en fait, c'est pas que les autres morceaux étaient plus faibles ou quoi, ok, c'est parce qu'en fait, on en a quelques-uns, bien sûr, et qu'on continue à travailler. Mais c'est qu'en fait, à l'époque où on les a choisis, c'est que c'était les plus aboutis. Si tu veux. C'est que c'était déjà les plus aboutis par rapport au temps qu'on a eu à faire, parce que le groupe est né en 2023, tu vois. On a commencé à maqueter il y a quasiment un an. Donc moi, j'ai commencé à maqueter certains morceaux, et après, je suis allé voir Romain, et on a refait des maquettes un peu retravaillées au niveau de la structure, au niveau de certaines choses. Et après, on a fait tout ce qui était enregistrement. Et Romain a même terminé par la batterie à la toute fin, si tu veux. Tu vois, donc c'était un long processus avec tout ce qui était aussi création du visuel, création des clips, tout ça, pour arriver. On a fait aussi les résidences où on a eu des captations live pour pouvoir aussi démarcher tout ce qui est booker, tout ce qui est tourneur, parce que on a envie d'aller défendre ce EP sur scène. Donc ben voilà, ça a pris un peu de temps, mais le choix en fait des morceaux, comme tu m'as posé la question, c'est que c'était réellement en fait les plus aboutis en fait à ce moment-là. Ben là, tu parlais justement un petit peu de schizophrénie, de sentiments un peu contradictoires qu'on peut tous avoir. Serait-ce que tu voulais exprimer à travers la pochette quelque part? Ce visage en deux parties, dont un qui est, ouais, où il a l'air un orage dans sa tête et l'autre, c'est l'air d'être tout à fait au calme. Oui, ouais, voilà, c'est. Je ne t'entends pas super bien, tu m'excuseras. Moi non plus, mais bon, c'est pas. C'est les inconvénients du direct. Je t'entends de loin, pardon. Ok, donc la pochette, c'est un visuel qui a été fait par Guillaume, qui est un artiste. Vidéaste aussi, visuel et vidéaste, qui nous a aussi réalisé notre premier clip que vous pouvez voir sur YouTube, du premier single qui est Nemesis. Et en fait, cette pochette, ce visuel, il m'avait proposé certaines choses, et quand il m'a proposé celui-là, ça a été une évidence, parce qu'en fait, sous les yeux, tu vois en fait un peu comme des racines, mais ces racines, en fait, ça représente un peu ce qu'il y a au niveau des douleurs, comment moi je peux sentir mon corps, et ces choses-là. La dualité, comme tu disais, le côté schizophrénique, c'est exactement ça, t'as trouvé le truc pile. Le côté Sisyphean Dance, tu vois l'espèce de boule qu'il y a et qui va en fait d'un côté et de l'autre, et en fait c'est un circuit infini qu'il va y avoir. Et donc le dernier Spit My Fire, c'est cette idée en fait d'envoyer de l'énergie, du rouge et tout ce qu'on a en nous qui peut nous limiter Et en fait, il faut absolument le sortir de soi, que de quelque manière que ce soit, parce que ça, c'est quelque chose qu'on partage tous, cette envie, en fait, de hurler quelque chose, il faut le faire. Ouais. Bon, là, votre EP, là, il sort vendredi, donc c'est une exclue, là, avec quelques jours d'avance, les auditeurs d'Electric Shock vont donc découvrir un titre. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part des médias, des radios comme Electric Shock ou autres? Bah écoute, ouais, on a eu pas mal de retours déjà. Je peux pas te faire tout le truc. Faudrait que je vois avec les gens avec qui je travaille, Aria Promotion, Elodie Jouot, qui sont d'ailleurs hyper efficaces sur la promo. C'est chouette de travailler avec des gens comme ça. Je confirme. Et en fait, aussi. On a eu pas mal de retours, notamment Metalian, tu vois, pour parler des gros, tu vois, entre guillemets, qu'on connaît, des très très gros. Metalian qui a eu un retour hyper positif. On nous trouve dans la dernière chronique là. Au niveau des démos, et c'était super encourageant, et on a plein d'autres, tu vois, que ce soit des radios associatives, des chaînes YouTube, tout ça et tout, et on est bien soutenus. Il y a un travail qui est excellent qui est fait au niveau des radios, des journaux, des webzines, tout ça, et je pense pas que ce soit fini, bien sûr que non, c'est pas fini, et ça va continuer, on va continuer la marche en avant grâce à des radios comme la tienne et à des émissions comme la tienne. Et oui, je rappelle donc qu'Electric Shock célèbre ses 19 ans d'existence ce soir. Et justement, tu en parlais là, vous avez prévu des concerts là pour promouvoir votre EP? Alors des concerts, bien sûr, on va en faire parce qu'on a envie d'aller en découdre, parce qu'on aime ça, tu vois, parce que c'est l'ADN. Là, ils sont pas encore posés parce qu'on a en fait, on a d'abord travaillé donc en résidence notre show. On l'a filmé, on a fait des prises aussi live pour envoyer ça donc à des bookers pour voir si on peut taper des belles premières parties. Donc là, ça va être prêt incessamment sous peu. Là, Romain va m'envoyer les mix la semaine prochaine. Et donc après, on va commencer en fait tout ça. On n'a pas encore de date calée, mais on va d'abord jouer un peu dans notre région d'origine, tu vois, le Poitou-Charentes, Niort, Poitiers, La Rochelle, ce genre de choses. Et après, l'ambition, c'est d'essaimer, bien sûr, partout en France. Pourquoi pas l'Europe et pourquoi pas le monde? On s'interdit rien, nous. Et comme tu dis, donc, vous êtes tous des musiciens donc, avec beaucoup d'expérience. Et vous avez tous, est-ce que vous avez des projets parallèles autres que ça? Alors, moi, je suis exclusivement sur Cahier d'Éric. C'est mon petit truc. Il y a donc Romain Bercé, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est sur pas mal de choses différentes. Clone, il est sur aussi un groupe de rock suave, comme ils disent, qui s'appelle Kiss of Bliss. Il est sur des projets de jazz, tout ça. David Couturier, pareil, c'est un soundmaker qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Hors Normes, qui bouge énormément. Il fait pas mal de choses aussi, je peux même pas toutes les citer. Pareil pour Mathieu, en fait, sont tous des musiciens professionnels avec des projets et des occupations qui sont toujours autour de la musique, en fait. Voilà. L'interview va bientôt toucher à sa fin. Et une question que je pose traditionnellement, c'est comment décrirais-tu Cahier d'Éric à quelqu'un qui ne connaît pas, si tu voulais le convaincre d'écouter? Si je devais le convaincre, je lui dirais, sois curieux. Sois curieux, jette une oreille, ferme les yeux, réouvre-les, referme-les, et tu vas voir, il y a des trucs qui se passent, parce que je pense que notre musique, elle est vraiment, elle est dans l'émotion, elle est dans l'impulsion, et je pense qu'elle peut raconter des histoires. Voilà. Et quelques mots pour les auditeurs d'Electric Shock? Eh bien, pareil, hein, les gars, les filles, restez curieux, bougez-vous, allez voir les concerts, continuez d'écouter les radios, de soutenir les groupes, les scènes locales. Il y a des pépites absolument incroyables un peu partout. Et puis voilà, gardez la passion et faites-la vivre. Eh bien, merci Cédric. Et maintenant, on va découvrir Cahier d'Éric. Et tu avais choisi justement pour faire découvrir aux auditeurs le morceau « Spit My Fire », c'est ça? C'est ça, c'est une exclue parce que ça sortira normalement le 15. Et pour les 19 ans de l'émission, je me disais ça peut être sympa et ils peuvent retrouver le single Cahier d'Éric sur YouTube. C'est déjà en ligne et le 14, donc jeudi à 18h, on mettra en ligne un second clip du titre The Dark Side of My Mind. Voilà. Et bien voilà, donc, vous savez tout. Et bien maintenant, vous avez peut-être qu'une envie, c'est de découvrir la musique de Kid Eric. Ça va être tout de suite maintenant. Et merci encore à toi, Cédric, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et à très bientôt, j'espère. Salut. Merci beaucoup, beaucoup. Allez. Spit by Fire du groupe Kid Eric, extrait donc du EP It Comes From The Inside. C'est tout de suite maintenant dans Electric Shock. We'll be right back. Voilà, donc vous avez pu découvrir Kay Derrick en exclusivité, son nouveau titre Spit My Fire, donc extrait de son EP It Comes From The Inside qui sort donc vendredi. Et un grand merci à lui donc de nous avoir consacré un petit peu de temps pour nous aider donc à découvrir son projet. Et bah tiens, puisqu'on parlait de concerts, de tas de choses, et bien comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que samedi soir, il y a donc la 13e édition du Maverick Alive à la Chapelle Saint-Mémin, à l'espace Bérère, à partir de 18h30, avec la bande à Pierrot, FMR, Sika, ainsi que Prisma. D'ailleurs, bah tiens, on va se passer un titre de l'album de Prisma, Way of Life. Et bah, c'est un morceau que j'ai eu envie de dédicacer à la mémoire de notre ami Fred Malon de Metal Maniac, parce que bah, quand on lit les paroles, on se dit, c'est pour lui, c'est Living Biker. Fred, si tu es là-haut, que tu peux voir ce qui se passe, sache que ici à Electric Shock, et je pense que parmi les auditeurs, beaucoup pensent à toi. We'll be right back. Living Biker, Prisma, extrait donc de son album Way of Life, Prisma qui sera en concert lors de la 13e édition du Maverick Alive, samedi soir à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Mamin, en compagnie de Sika, FMR et la bande à Pierrot. Et il est bientôt 20h30, on attaque bientôt la dernière demi-heure dans Electric Shock. Je vous rappelle que c'est le 19e anniversaire de l'émission, donc si vous voulez faire un petit coucou à votre animateur préféré, n'hésitez pas à 02 38 43 48 00. Et on va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée, et on va vous emmener du côté de Montpellier. Alors, découvrir ou redécouvrir le groupe Murder at the Pony Club, donc un groupe qui existe depuis le milieu des années 2010 et qui avait déjà sorti un premier album il y a de ça quelques années. Là, ils viennent de nous ressortir leur un nouveau EP qui s'appelle Human Story. Là, c'était en mi-septembre qu'ils nous ont sorti ça. Et comment décrire Murder at the Pony Club? C'est du rock alternatif inspiré de Queen of the Stone Age, Foo Fighters, Royal Blood, telle chose comme ça. Enfin, on y retrouve aussi un petit côté festif à la Offspring, à Sum 41, enfin plein de choses comme ça. Enfin bref, on sent le métier. Extrait donc de ce EP, Pride est le morceau de ce soir. Pour another. Another, ça c'était The Darts, groupe venu des States, c'est leur quatrième album Boomerang. Et juste avant, donc, eux par contre nous viennent de Montpellier, et c'est la quatrième nouveauté de la soirée, c'était Murder de Pony Club avec un extrait du dernier EP, A Human Story, et c'était le morceau Pride. Comme je vous le disais tout à l'heure, en tout début d'émission, eh bien, samedi soir à l'Astrolab d'un FFF a vraiment mis le feu. FFF, non pas la Fédération Française de Foot, mais la Fédération Française de Funk, groupe légendaire des années 90. Alors je dois avouer que c'est le genre de groupe où je ne suis pas spécialement fan sur album, mais en concert c'est vraiment une tuerie. Et bien ce groupe n'a vraiment rien à envier de Fishbone. Il faut dire que bah, les musiciens qui composent, c'est vraiment des tueurs. Marco Prince, c'est vraiment un charisme du tonnerre. Et puis Harold Poupo, on le présente plus. Enfin bref, toujours est-il que on va se remettre dans cette ambiance un petit peu de leur, avec un petit extrait de leur unique live sorti en 1997 qui s'appelait Vivant. On va se faire toujours un des grands moments de leur concert, c'est le morceau Morphée. Yeah. Morphée, ça c'était FFF, extrait de son unique live vivant, sorti en 1997. Et bah, quand on écoute ça, je peux vous dire que samedi soir, ça sonnait exactement comme ça à l'Astrolabe dimanche. C'est comme quoi, 27 ans après, ils ont toujours autant la niaque. Changeons de registre maintenant, revenons au groupe BIS, groupe qui nous vient des hauts plateaux des Bourgs, avec leur rock alternatif et leur album La Sibylle sur le plateau. On va aller faire un petit tour avec eux du côté de New York City. Yeah. Nature et leur EP Secret, c'était donc Shattered Dreams, et donc juste avant Bisset qui nous emmenait faire un tour à New York City sur leur album La Sibylle sur le sable. Passons de maintenant à quelque chose d'un peu plus heavy pour terminer Electric Shock ce soir. Et je vous rappelle que si vous avez envie de faire un petit coucou à votre animateur préféré pour lui souhaiter un bon anniversaire, vous avez encore 10 minutes. Donc 02 38 43 48 00. Et pour ça, un petit peu de lourdeur avec Oda et leur album Bloodstained. Et là, on va s'envoyer pour se décrasser un peu les oreilles. Children of the Night. We'll be right back. Broken Rose, extrait de l'album Death is Glory Now de Reverend Bizarre, sorti en 2008. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock. Electric Shock, les 19 ans d'Electric Shock, c'était donc ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Est-ce qu'il y aura encore 19 ans d'Electric Shock? Ça, je sais pas. En tout cas, j'ai pas l'intention d'arrêter. Je pense qu'une 20e année, ça, sans problème. Eh bien, en tout cas, c'est fini pour ce soir, mais la musique continue sur Arc-en-Ciel, bien sûr, puisque les fans d'Electro vont pouvoir se réjouir, puisque Electro Live est là une fois de plus. Alors, qu'est-ce que l'ami Christophe a nous proposé? Je sais pas, mais on va voir ça tout de suite avec lui. Salut! Salut! Bon anniversaire! Eh bien, merci. J'espère que toi aussi que... 19 ans, non, 19 ans. Je serai trop vieux. On dit ça, puis finalement, le temps passe tellement vite que je suis même pas compte. Je suis pressé. Avant de fêter tes 19 ans, qu'as-tu à proposer ce soir à nos amis Nightclubbers? Ce soir, un set techno. On va commencer par un titre que j'adore, qui a au moins 30 ans. Donc, tu vois, il y a plus de 19 ans celui-là. Tu vois, comme quoi la bonne musique, ça n'a pas d'âge. Hein. C'est ça. Donc la dernière version de Café Del Mar, une version de Mr. J, un DJ de Cleveland, aux US. Et on va poursuivre avec de la techno. Et si j'ai le temps... Les derniers titres, c'est des vinyles à moi, de 95, je crois, 93. Je, retour vers le futur. Voilà. Bon, si ça craque un peu à la fin, c'est normal. Bon, ils ont un peu tourné en club. C'est d'époque, voilà, ça sent le vécu, c'est du vrai, c'est du live, c'est en direct, ça. Voilà. C'est sur Radio Arc-en-Ciel, Electro Live, c'est maintenant. Salut à tous.